Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Les enregistrements que nous avons diffusés cette semaine ont été enregistrés au cours du premier trimestre 2019 et au cours du mois de janvier 2020. Bernard Stiegler, nous nous étions quittés hier sur les deux mots théorie et action. À l'action, vous y êtes passé une fois de plus en venant à Genève, au Club Suisse de la Presse, présenter votre appel. Alors pourriez-vous nous rappeler quelle est la nature de cet appel, et puis nous faire un peu le résumé de ce qui s'est passé à Genève, au Club Suisse de la Presse. Eh bien, très volontiers. En fait, cet appel qui a été donc co-signé par 54 personnalités, je crois, de très diverses origines, c'est un appel qui s'adresse d'abord à Antonio Guterres et aux Nations Unies, et d'autre part également, ça s'est ajouté par la suite à Greta Thunberg. Nous disons dans cet appel que, premièrement, si les États et les grands groupes industriels, disons les grandes banques, enfin le secteur économique, ne répondent pas favorablement et concrètement aux attentes et aux demandes à la fois des Nations Unies et de ce que nous appelons nous la génération Thunberg, c'est évidemment parce qu'il y a des problèmes de conflits d'intérêts électoraux, actionnariaux, etc., etc. Mais pour nous, ça n'est pas la cause fondamentale. La cause fondamentale, c'est que le cadre épistémologique requis pour cette transformation qui consisterait à faire face à l'augmentation de l'entropie, car pour nous, ce qu'on appelle l'ère anthropocène, c'est en fait une augmentation des taux d'entropie thermodynamique, c'est-à-dire de la dissipation de l'énergie, des taux d'entropie biologique, par exemple la destruction de la biodiversité, et des taux d'entropie informationnel, par exemple l'ère de la post-vérité où plus personne ne croit plus personne. Pour nous, lutter contre cela, ça suppose de changer de modèle de référence en économie quant à aux questions de physique, de biologie et de théorie d'information. En l'occurrence, ça signifie prendre en compte de manière fondamentale, c'est-à-dire en repartant des fondements même de la physique et de la biologie et de l'ensemble des sciences, la découverte au XIXe siècle du problème de l'entropie, c'est-à-dire de ce qu'on appelle plus précisément le deuxième principe de la thermodynamique et de ses conséquences telles qu'elles ont été analysées au XXe siècle sur le vivant et sur les sociétés humaines. Alors nous soutenons que c'est tout à fait possible, mais que ça requiert d'abord un gros effort de recherche fondamentale et de recherche appliquée, et nous posons qu'il faut développer pour cela une nouvelle méthode de travail que nous appelons la recherche contributive, qui consiste à créer des laboratoires de recherche avec des chercheurs tout à fait accrédités, avec toutes les garanties scientifiques requises en termes de référence, de méthodologie de travail, de sélection des doctorants, des post-doctorants, mais aussi en faisant travailler les habitants de territoires expérimentaux, que nous appelons d'ailleurs aujourd'hui des territoires existentiels laboratoires. Nous posons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état d'extrême urgence, maintenant c'est tout à fait avéré malheureusement, nous sommes très tristes, nous, d'avoir raison. C'est ce que nous disions en fait le 10 janvier à Genève, que des processus de rupture, d'effondrement, certains disent, allaient nécessairement se produire compte tenu des fragilités, des vulnérabilités systémiques de l'économie, du système des infrastructures, de la santé, etc. etc. Et maintenant, c'est avéré. Et nous sommes au bord d'une crise terrifiante où pourraient se produire des effets en chaîne, non seulement dans le domaine de la finance isolément, du vivant isolément, etc., mais combiner les uns avec les autres, ce qui pourrait produire une catastrophe absolument inimaginable. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour réagir, Et donc, nous avons préconisé la création de territoires laboratoires dans le monde entier, des territoires candidats sur la base d'un appel d'offres dont nous proposions que l'ONU en soit à l'initiative. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 10 janvier? Eh bien, nous avons eu beaucoup d'échanges. Il s'est passé trois moments importants et tout à fait différents. D'abord, un échange avec la jeune génération, avec la génération Thunberg, toute la matinée, où étaient invitées quelques personnalités juste comme observateurs, et où nous avons mis en place, nous appelons l'association des amis de la génération Thunberg, en vue de créer des écoles itinérantes avec cette génération. Des écoles pour quoi faire? Pour permettre à cette génération de s'approprier des processus de recherche, d'en devenir partie prenante, d'avoir son mot à dire, et donc de devenir pertinente dans des négociations, sans se braquer forcément dans des postures, comme par exemple Greta Thunberg elle-même peut l'adopter, quand elle dit par exemple « je ne prendrai pas l'avion », etc. Ce que je comprends très bien, d'ailleurs je ne lui reproche pas du tout de faire cela, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut surtout arriver à négocier avec les compagnies aériennes, avec les grandes entreprises, avec les banques, avec les États, évidemment. Et donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut créer des équipes pertinentes où la jeune génération est fortement représentée. C'est ce que nous avons fait en créant avec Jean-Marie Le Clésio, donc l'association des amis de la génération Thunberg. Et aujourd'hui même, nous sommes en train de travailler avec cette association pour mettre en place des territoires laboratoires, puisqu'il y a eu des candidatures qui se sont présentées, en effet, après le 10 janvier. Sachant que le 10 janvier après-midi, donc, nous avons eu une conférence de presse, qui est un débat avec la presse et des personnalités des Nations Unies et de différentes ONG, et puis ensuite une discussion générale en fin d'après-midi, qui était extrêmement prometteuse, hein, parce que l'intérêt a été extrêmement fort pour ce que nous disions. À ce débat participaient Giuseppe Longo, le mathématicien, Alain Supiot, le juriste, etc. Je dois préciser que Richard Sennett est également dans ce programme, et Richard Sennett est un conseiller d'Antonio Guterres précisément sur le changement climatique. Voilà. Et depuis ce temps-là, d'une part, nous avons développé un certain nombre de discussions, je ne vais pas appeler ça des négociations, mais des tours d'horizon sur la possibilité de coopération avec divers territoires, donc un qui est composé en fait d'un archipel d'îles avec lesquels j'avais déjà commencé à travailler l'année passée d'ailleurs, qui sont les îles Galapagos au large de l'Équateur, la Corse, la Croatie et les îles de la côte dalmate, et une île en Irlande sur la côte irlandaise du sud. Nous sommes en train de créer un laboratoire avec ses habitants, mais aussi avec des grandes universités, Tufts University par exemple, au nord des États-Unis, à côté de Boston, le Muséum d'histoire naturelle avec lequel nous sommes en train de discuter, et un biologiste avec lequel je collabore au sein de l'IRI qui s'appelle Maël Monteville. Nous sommes en train de monter des laboratoires territoriaux dans ces différents espaces, avec des pêcheurs qui sont en relation avec la faune sauvage des îles Galapagos. Comme vous le savez, les Galapagos, c'est le lieu où Darwin a élaboré son analyse. Et les îles Galapagos sont une réserve protégée. Mais c'est un très gros problème pour les pêcheurs, parce qu'il y a des habitants sur les Galapagos et ils vivent de la pêche. Et donc on leur dit, vous n'avez qu'à maintenant faire la plonge dans les restos américains qui s'installent là. Et eux refusent. Et nous pensons qu'ils ont raison, parce que nous pensons qu'il est possible de mettre en place une pêche patrimonial, c'est-à-dire une pêche en particulier qui protégerait la faune protégée des prédateurs qui arrivent du reste de l'océan, puisqu'aujourd'hui il y a des mouvements de poissons et d'animaux aquatiques prédateurs qui n'existaient pas à l'époque, qui n'étaient pas présents à l'époque de Darwin, et qui aujourd'hui viennent détruire la faune marine des Galapagos. Donc nous sommes en train d'essayer de monter un laboratoire entre biologistes et pêcheurs dans cette région-là, pour arriver à trouver un protocole qui a pour but de quoi faire, de définir une relation positive entre l'espèce humaine et une espèce sauvage. Bernard Stiegler, pourquoi ce choix, à prime abord, même si on le devine, de la direction des îles? Est-ce à entendre que les îles, par définition, pourraient être des territoires relativement protégés? On est obligé de mettre en ce moment, plus que jamais, j'entends dans cette période, l'adverbe « relativement » en place dans quasiment toutes les phrases, mais pourquoi les îles? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que nous travaillons sur la question de la localité. Dans le groupe dont je parlais tout à l'heure, ce que nous posons, c'est qu'on a détruit les localités économiques, il faut les reconstituer parce que ce sont elles qui garantissent une résilience. Pas simplement une résilience aux virus ou aux bactéries, mais par exemple une résilience aux crises économiques mondiales, aux crises financières. À partir du moment où on liquide les singularités territoriales, eh bien, on rend vulnérable la totalité de la planète d'une manière extrêmement dangereuse. Donc, notre point de départ, c'est de dire, si le but c'est de lutter contre l'entropie, alors il faut produire ce que Schrödinger appelait la négentropie. Mais comme l'expliquait Schrödinger, la négentropie, on ne peut la produire qu'à l'échelon local et que de manière temporaire. À partir de là, il faut reconsidérer l'économie, il faut reconsidérer la mondialisation. Nous, nous ne sommes pas contre la mondialisation, nous disons que, par contre, la globalisation, ça n'est pas la mondialisation. La globalisation, c'est ce que j'appelle l'immondialisation, c'est-à-dire la création de sociétés vraiment immondes. Et pour les gens qui voyagent un peu, des situations immondes, je peux vous dire qu'il y en a, il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui vivent vraiment dans des conditions absolument inacceptables et immondes, voilà, qui n'ont jamais existé auparavant. Donc il faut faire cesser cela. Il faut faire une vraie mondialisation, et une mondialisation, c'est une diversité de mondes qui travaillent ensemble, dans un monde commun. Donc nous pensons qu'il faut inventer une autre économie, que nous appelons l'économie contributive, et qui est basée sur la valorisation des localités. C'est pourquoi nous nous intéressons notamment aux îles, parce que évidemment ce sont des économies locales de fait, compte tenu de réalités géographiques. Mais l'autre raison, c'est que, comme vous le savez, quand on a commencé à étudier scientifiquement l'écologie, eh bien c'est parti d'abord de l'étude des mares. Pourquoi les mares? Alors les mares d'eau douce ou les mares d'eau salée, les lagunes, etc. C'est parce que ce sont des petits écosystèmes dont on peut plus ou moins bien contrôler les entrées et les sorties, et les inputs et les outputs. Et à partir de là, en termes d'études, c'est évidemment extrêmement fructueux, voilà, extrêmement intéressant. Là, étant donné que nous cherchons à développer des travaux sur des laboratoires du vivant, je dois préciser d'ailleurs qu'on a fait ce choix avant la crise du Covid-19, mais évidemment, cette crise du Covid-19 nous a plus qu'encouragés à poursuivre dans cette démarche, parce que nous travaillons là sur les micro-organismes et donc sur les différentes couches du vivant, bactériennes, virales, organismes multicellulaires, espèces végétales, espèces animales, espèces humaines, et la technique dans tout cela, parce que dans tout cela, la vraie question, c'est comment la technique modifie les rapports entre ces espèces, comment est-ce qu'on fait que pour qu'au lieu de fragiliser leur résilience, comme on dit aujourd'hui, eh bien au contraire, on l'intensifie. Voilà pourquoi on travaille sur des îles, c'est parce que dans des démarches scientifiques, étudier une question avec des bonnes délimitations qui ressemblent presque à des conditions de laboratoire, c'est plus facile. Voilà. Après, l'autre aspect que nous travaillons avec ces îles, sur ces territoires, c'est le tourisme. Un des très grands problèmes que rencontrent aussi bien les Galapagos que la Corse, la Croatie, mais aussi cette île d'Irlande, c'est que les touristes deviennent très souvent pour ces îles la seule économie véritablement productrice d'emploi. Mais le problème, c'est que ça se fait généralement au prix de la destruction du milieu et donc de la ruine progressive, en fait, de ces lieux d'attraction touristique, parce qu'après, ils se standardisent, ça devient du tourisme de masse, très polluant et pas du tout rentable. Alors, ce que nous posons, nous, c'est que, par exemple, dans les Galapagos, c'est d'ailleurs pas nous qui sommes à l'origine de ça, il y avait déjà un projet lancé dans ce domaine, eh bien, nous disons qu'il faut faire un tourisme, entre guillemets, qui revient aux sources du tourisme au XIXe siècle. Un tourisme, par exemple, de jeunes européens, américains du Nord, chinois, ou je ne sais quoi, viendraient aux Galapagos, non pas simplement pour passer des vacances, mais pour véritablement travailler à acquérir une meilleure intelligence du vivant. Alors vous allez me dire, mais quand on est en vacances, on ne travaille pas. Eh bien, c'est une grave erreur. Le touring, autrefois, du 19e siècle, qui faisait suite au voyage en Italie de la Renaissance et de l'âge classique, c'était fait pour que la jeune, d'abord aristocratie, ensuite bourgeoisie, s'enrichissent intellectuellement, augmentent sa compréhension du monde. Ça faisait partie pour Goethe, par exemple, de la condition fondamentale de la formation de l'esprit. Nous nous disons qu'aujourd'hui, on peut démocratiser cela et faire que, intelligemment, les rapports entre les pêcheurs, la faune, les scientifiques et les touristes aux Galapagos s'articulent pour développer des grands projets extrêmement intéressants, en plus sous l'égide de l'ONU. Donc, c'est extrêmement attractif. Ça excite beaucoup, beaucoup nos amis pêcheurs, nos amis agriculteurs, nos amis scientifiques. Et je suis convaincu que ça peut fonctionner parce que, par ailleurs, les Équatoriens eux-mêmes avaient déjà commencé à réfléchir à des modèles de ce type-là et nous venons pour les aider en leur apportant des méthodes et une communauté scientifique de presque 60 personnes pour les soutenir. Après, nous avons d'autres projets. Nous discutons en ce moment avec l'État de Genève sur des programmes liés au développement urbain de l'État de Genève et de la périphérie de l'État de Genève, qui est en grande partie d'ailleurs française, compte tenu de la situation frontalière de l'État de Genève. Nous discutons avec une ville de la banlieue de Milan. Nous discutons avec le sud de Stuttgart. Stuttgart, bon, c'est l'Allemagne riche, mais cette Allemagne riche, eh bien, elle a quand même des quartiers très pauvres, avec des immigrés. Ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis, avec des travailleurs immigrés qui viennent là travailler dans les usines Mercedes. Et par ailleurs, comme vous le savez peut-être, Mercedes est aujourd'hui un petit peu en crise morale, peut-être même en crise économique, parce que il semble bien que l'entreprise de Tesla, de Elon Musk, constitue une grosse menace sur le business de Mercedes, qui n'a pas anticipé suffisamment tôt la nécessité de passer à l'énergie électrique, au moteur électrique. Quand on ajoute en plus la crise du Dieselgate, évidemment, c'est tout le groupe allemand automobile, dont on connaît l'importance par rapport au PNB allemand, qui se trouve évidemment en difficulté. Pardon de vous interrompre, Bernard Stiegler, mais j'aurais voulu vous poser, mais peut-être intégrerez-vous dans votre réponse les éléments que vous vouliez apporter. Sachant que, et c'est bien pour ça que l'on fait aujourd'hui ce nouvel enregistrement au printemps 2020, que nous nous trouvons plongés dans la crise planétaire qu'on n'a plus besoin de nommer, dans quelle mesure les modes opératoires pour cette approche territoriale que vous avez rappelée se voient changer? Qu'est-ce que vous avez été contraint d'adapter? Est-ce que ça change la nature des échanges? On comprend bien que la demande est encore plus forte d'une certaine manière du fait de la preuve par le virus. Qu'est-ce que ça change sur le mode opératoire? Est-ce que les actions que vous avez commencé à mettre en place se voient freinées, remises à plus tard, parce que tout le monde ne pense plus qu'à une seule chose et que l'information et un bon nombre d'états d'esprit se trouvent un peu monochromes, ou au contraire, vous voyez là quelque chose qui est plutôt favorable à vos actions? Eh bien, c'est toute la question. C'est-à-dire que moi, je crois que les deux hypothèses que vous faites sont vraies, en même temps, bien que contradictoires. Autrement dit, ça dépend un peu des terrains avec lesquels on va discuter ou des interlocuteurs avec lesquels on va négocier. D'une certaine manière, bien sûr, malheureusement, cette crise confirme beaucoup nos points de vue, puisque le problème du Covid-19 est quand même très très lié, disons, à une fragilisation de la biodiversité d'une part et de la résilience des sociétés humaines d'autre part. Donc pourquoi fragilisation de la biodiversité? Eh bien parce que ces migrations virales entre espèces animales sont liées à des transformations des écosystèmes. Ça, c'est tout à fait attesté. Alors est-ce que c'est le cas dans le cas du Covid-19? C'est un sujet de discussion tout à fait ouvert. Il n'y a pas du tout de consensus. Mais par contre, il y a un consensus sur le fait que la série d'accidents viraux que nous connaissons depuis 1997, puisque depuis maintenant 23 ans, il y a une accélération soudaine et très inquiétante des crises virales de type coronavirus, du type SRAS, etc., etc. Et moi-même, je les ai un petit peu connues parce que je travaille en Chine et, par exemple, la première crise m'avait déjà conduit à annuler un voyage en Chine. Alors, pourquoi est-ce que c'est la Chine? Il y a beaucoup de gens vont en faire un sujet, je dirais, de racisme anti-chinois. C'est surtout parce que c'est l'Asie, c'est pas seulement la Chine, c'est aussi le Vietnam, et c'est toutes ces forêts tropicales qui sont très fortement transformées par la consommation industrielle de cette région soudaine, puisqu'il y a 30 ans, elle n'était quasiment pas encore vraiment entamée, enfin, à part pour le Japon et la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est extrêmement intense, beaucoup plus intense d'ailleurs que dans les pays occidentaux, et donc ça a des effets très violents sur les écosystèmes vivants. Alors, d'une part, nous sommes donc, si je puis dire, confirmés, validés. D'ailleurs, j'ai d'innombrables demandes en ce moment de partout d'intervention sur ces questions, y compris en référence directe à ce qu'on a fait à Genève en direction de l'ONU. Mais d'autre part, effectivement, vous avez tout à fait raison, ça pose d'autres problèmes qui peuvent paraître contradictoires avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, eh bien, d'ailleurs, on l'entend malheureusement assez régulièrement sur les antennes françaises de radio dans les déclarations du gouvernement français. Il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire « on va avoir d'autres chats à fouetter ». Et donc il y a un très grand danger, c'est qu'on fasse passer avant toute autre préoccupation la nécessité, disons, de relancer la machine économique et de la relancer sur sa lancée, qui est celle de la croissance, plus ou moins aveugle à toutes ces questions, parce que, et il risque d'y avoir un consensus pour ça, il faut sauver les emplois, et personne n'a envie de se retrouver au chômage. Il faut sauver les banques, parce que personne n'a envie de retrouver son épargne disparaître. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question aujourd'hui, y compris les retraités, qui se disent, mais peut-être qu'il va nous arriver la même chose dans 2 ou 3 ans que ce qui est arrivé aux retraités soviétiques, puisqu'un jour, les babouchkas d'Union soviétique, je le sais parce que j'ai enseigné en Russie à l'époque de Yeltsin, n'avaient plus de retraite, elles vivaient dans la rue, voilà. Et il y a des gens qui se disent, mais pourquoi ça ne nous arriverait pas? Et malheureusement, ils n'ont pas tort de se poser cette question. C'est pas du tout exclu. Alors, en fait, nous sommes en train, en ce moment même, de travailler avec l'ensemble des... le groupe dont je parlais tout à l'heure, des 60 scientifiques, l'Institut de Recherche et Innovation, qui est mon institut, l'Association des Amis de la Génération Thunberg, qui est aujourd'hui fusionnée avec l'Association Ars Industrialis, et d'autres groupes, le Digital Studies Network, enfin, etc., parce que je travaille moi beaucoup, beaucoup dans des collectifs que je mets en relation les uns avec les autres. Nous sommes en train de mener une réflexion sur la stratégie post-Covid-19 que nous devons mener. Pourquoi ? Moi, je suis beaucoup sollicité pour signer des appels. Il y a des gens, par exemple, qui me demandent de signer des appels pour dire maintenant, il faut venir dans une économie de la sobriété, mettre en place des mesures bas carbone, etc. Toutes choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord sur les principes, mais par rapport auxquelles les propositions qui sont faites pour la mise en œuvre ne paraissent pas du tout convaincantes et ne convaincront jamais, à mon avis, le monde économique. Et alors, je ne vais pas vous embêter avec les différents types d'appels que l'on me propose, mais j'en ai eu plusieurs de ce type-là, y compris un groupe d'HEC, de gens qui sont, je dirais, des businessmen éclairés et qui essayent de proposer des sorties de la crise Covid à l'État français en faisant des recommandations sur comment on recapitalise, par exemple, des banques ou des entreprises, etc. etc. Bon. Tout ça, moi, je refuse de le signer parce que je considère que ce sont des problèmes qui sont mal posés. La plupart du temps, les gens arrivent avec leur solution. Or, il n'y a pas la solution. Il y a à créer une nouvelle dynamique, et une nouvelle dynamique qui va devoir faire face à, d'abord, une grande diversité de situations. La situation des Européens n'est pas celle des Américains, qui n'est pas celle des Chinois, qui n'est pas celle des Africains, des Sud-Américains, ou du Moyen-Orient, ou de l'Australie, ou de l'Océanie. Tout ça est extrêmement diversifié. Donc, on ne peut pas avoir comme ça une doctrine qui ignorerait les interdépendances mondiales et qui s'appliquerait massivement à la diversité. Non, justement, il faut avoir des approches multivariées sur des échelles spatiales et des échelles temporelles différentes. Ça suppose d'avoir une méthodologie. Et cette méthodologie, elle consiste à poser, premièrement, ça pour nous c'est évident, que d'abord il faut sauver l'économie qui existe. C'est tout à fait évident. C'est-à-dire que moi, je partage tout à fait le point de vue de Pablo Servigne, de Dominique Bourg et de bien d'autres sur le fait que si on revient au monde comme avant, c'est une catastrophe, parce que c'est le monde comme avant qui a produit cette catastrophe sanitaire. Donc il est hors de question d'y revenir, mais pour ne pas y revenir, il faut commencer par le sauver. Parce que si on ne le sauve pas, il n'y aura plus de moyens du tout. Si on veut lancer des démarches nouvelles, il faut des investissements, il faut arriver à convaincre des investisseurs. C'est ce que j'essaie de faire moi en Seine-Saint-Denis, et j'y arrive, parce que aujourd'hui j'ai 2 banques privées et 1 banque publique qui travaillent étroitement avec ma toute petite équipe d'économistes sur le changement des comptabilités qui tiennent compte de la lutte contre l'entropie. Ça implique la comptabilité de la Société Générale, la direction de l'investissement et la direction de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, la direction du Crédit du Nord en France. Donc ces gens-là prennent tout à fait au sérieux ce que nous faisons. C'est du temps qui est assez long. Alors là, nous avons aujourd'hui, par rapport à ce que nous étions dit, puisque ces territoires laboratoires, nous disions qu'il faut leur donner 10 ans. C'est l'échelle de temps que nous sommes donnés en Seine-Saint-Denis pour être vraiment démonstratifs. Il semble bien que nous n'allons pas pouvoir nous permettre de nous donner 10 ans, mais qu'il va falloir trouver des moyens d'aller plus vite vers des résultats. Ce que nous pensons, c'est que dans tous les cas, il faut articuler différentes couches de réponse à la crise, qu'il n'y a pas une solution à quoi que ce soit, mais par contre, il faut arriver à mettre en place une nouvelle méthodologie pour discuter de l'émergence d'une nouvelle rationalité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions proposé à Genève, le 10 janvier, c'est ce qui va être rendu public dans un livre qui sort fin mai ou début juin aux éditions Les Liens qui libèrent, qui s'appelle Bifurqué. Le sous-titre, c'est « Éléments de réponse à Antonio Guterres et à Greta Thunberg ». Nous posons qu'il faut constituer ce que Marcel Mauss avait appelé une internation, c'est-à-dire une instance délibérative qui n'est pas inféodée au commerce, c'est-à-dire au business, à la guerre économique, qui est d'abord fondée sur ce que Einstein, qui avait participé à cela en son temps, donc la Société des Nations a été créée en 1920, Einstein appelait une internationale scientifique. Voilà. Nous pensons qu'il faut créer une internationale, non pas des prolétaires unis de tous les pays, mais des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, des juristes, des économistes, et de tous les gens qui revendiquent disons, une démarche rationnelle, c'est-à-dire une critique par les pairs, le débat contradictoire, l'attestation des arguments par des données factuelles authentifiables, l'expérimentation scientifique, etc. Et nous pensons qu'il faut reconstituer cela. L'ONU a abandonné toutes ses ambitions. L'UNESCO est devenue, c'est une très belle institution, l'UNESCO, mais en même temps, c'est devenu une institution essentiellement patrimoniale. Au début, ce n'était pas du tout le but. Bergson est un des fondateurs de l'UNESCO et son but était infiniment plus ambitieux que là. Nous, nous pensons qu'il faut réarmer ces ambitions-là, peut-être avec l'UNESCO d'ailleurs. Et que tout ça, ça suppose de l'empiricité, c'est-à-dire de créer des laboratoires vivants, à grande échelle, avec des habitants, et de redonner de l'espoir aux gens. Alors les gens étaient déjà, avant la crise du Covid-19, quand même souvent un peu déprimés, pour ne pas dire parfois totalement désespérés. Moi, je travaille beaucoup sur l'addiction. Nous avons créé une clinique d'addictologie de lutte contre l'addiction en Seine-Saint-Denis. Je peux vous dire que l'addiction, elle est essentiellement provoquée par le désespoir. Voilà. Et qu'elle est extrêmement forte. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, mais aussi l'addiction à toutes sortes d'autres choses, les jeux vidéo, les smartphones, le shopping compulsif qui ruine la planète, et bien d'autres choses. Bernard Stiegler, si l'on veut soutenir, qu'est-ce que l'auditrice, l'auditeur lambda peut faire? Où doit-il s'adresser? Une boîte postale, ça c'est à l'ancienne, un site, ça c'est plus contemporain, afin de se rapprocher de vous? Alors, les auditeurs qui souhaiteraient nous contacter peuvent nous écrire soit à Association des Amis de la Génération Thunberg, ça se trouve très très facilement sur le réseau Internet, soit Institut de Recherche et d'Innovation, en mettant mon nom comme ça, ça, ils arriveront directement sur le site, ils peuvent nous écrire, ils peuvent adhérer à cette association. Ce qui est important, c'est d'essayer de s'engager sur ces projets territoriaux avec nous, en y apportant un soutien moral, un soutien conceptuel, un soutien institutionnel, un soutien financier. Toutes sortes de choses sont possibles. Nous, nous sommes très, très ouverts à tout cela. Nous essayons de nous organiser aussi pour pouvoir être hospitaliers à toutes ces propositions et savoir les honorer le mieux possible. Vous nous redonnez le titre de l'ouvrage à paraître ainsi que le nom de l'éditeur? Alors le titre c'est Bifurqué et l'éditeur c'est Les liens qui libèrent. Bernard Stiegler, à très bientôt. Merci une fois encore d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. À bientôt, j'espère. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.